trompé mon cœur. J'ai dit non au docteur, c'était une erreur. Je vais partir en fumée. Le docteur me l'avait bien dit, faut que t'arrêtes de griller. Décousu sans arrêt, cette blague va te consumer. À force de tirer dessus, d'avaler son poison, t'as un embouteillage du côté des artères. Elles sont tellement bouchées, elles sont tellement polluées. Ton sang circule maintenant sur des routes secondaires. J'fume, j'fume, j'fume ma vie. Dans quelques temps d'ici, j'aurai peut-être des soucis. J'fume, j'fume, j'fume ma vie. Dans quelques temps d'ici, j'en serai sûrement guéri. J'ai plus quoi pour me cracher, Richard, plein la gorge. Quel ton fera que j'arrête de fumer ou de respirer. J'aurais plus d'autre choix pour retrouver ma voix. Trop longtemps entarpé de goudron inhalé. Combien de cendriers sont partis en fumée. Combien de cendriers j'aurais réduit en cendres. Ah, le docteur m'avait bien dit, j'aurais dû l'écouter. Quel ton pour respirer, j'serais sûrement entubé. Chantique, chantique, t'es plus haut les marines. Ton goudron poumons. J'fume, j'fume ma vie. Dans quelques temps d'ici, j'aurai peut-être des soucis. Oh, j'fume, j'fume ma vie. Dans quelques temps d'ici, j'en serai sûrement guéri. J'ai les poumons qui s'y plein d'air et mélancolie. Ça s'appelle la complainte du clopeur. Dans quelques temps d'ici, j'partirai en fumant. L'avoir brûlé ma vie dans mes mains qui jaunit. Remercie, j'remercie ta maison qui t'abat. M'avoir un peu guidé dans ce que j'ai commencé. Toujours entubé.